Haut et bas, Dan Terral. Une réalisation de Michel Sidorov. Cinquième et dernier épisode, Piolet. J'ai cru crever sur cette satanée Rotary Torso. Ça te broie littéralement le corps, rincé comme un citron. Tu entends ce bruit, là ? Non ? Non. C'est pourtant un bruit qui se distingue nettement des autres bruits. Je m'étonne toujours de voir à quel point tu ne prêtes aucune attention à ton environnement. Écoute ! Un grattement ! De l'autre côté du mur ! Quelque chose gratte. Dans ta tête, Vivi. C'est dans ta tête que ça gratte. Ou plutôt, un frottement. Oui, quelqu'un frotte de l'autre côté. Frotte le sol. C'est pas le moment de faire le ménage. Ou alors c'est un animal. Oui, ça furette, on dirait. Ça fouille aux angles. Un sanglier, tu crois ? À cette heure-ci ? Sang-froid, maîtrise de soi, contrôle du risque conjugal. Je te rassure, ma chérie, ce n'est pas du tout la saison du sanglier d'appartement. Alors, c'est la saison de quoi ? Des amours ? Elle est belle et bien terminée. La saison des amants ? Trop tard pour ça aussi. La saison du mimosa. Oui, bientôt. Et j'en mettrai de pleins bouquets dans toute la maison. Les murs vireront, jaune poussin, tout sera vif, éclaboussé. J'ai faim. Pas moi. Ça me rend dingue, cette farfouille de l'autre côté. Je voudrais en avoir le cœur net. Il me faudrait mon piolet pour attaquer direct la paroi. D'abord, on va manger, ok ? Un steak, des pommes de terre au four, un bon verre de vin, une nourriture roborative. Après, on verra. Mais Louise n'est pas encore rentrée. Et il est 21h passé, non ? En plus, elle a oublié son téléphone à la cuisine. T'inquiète, elle va pas tarder. Bavardage entre copines. Ma fille adorée. Dans ce quartier qu'elle connaît à peine. Avec tous ces grands ensembles autour. Pourvu qu'elle ne tombe pas dans un ravin. C'est sournois, ces trucs-là. Surtout le soir. Allons à sa rencontre, avec une lampe de poche. Peut-être aussi avec un couteau, pour se prémunir de tout danger. Inutile, je te dis. Louise a un bon sens de l'orientation. Je lui fais entièrement confiance pour ça. Ma fille adorée. Elle a pu se tromper de bâtiment, entrer dans le B ou dans le F. Et maintenant, après avoir frappé à la mauvaise porte au mauvais 13e, elle erre dans les couloirs, ses repères bousculés. Fière, elle ne cherche pas à demander de l'aide. Elle descend un escalier, pousse une porte de secours. Ces portes vertes, portes traîtres. Et elle se retrouve dans un sas étroit. Ça pue le pipi de rat. Et voilà que derrière elle, elle ne se rend pas compte que la porte qui se referme ne s'ouvre pas dans l'autre sens. Un code est nécessaire. Un code qui a été fourni à tous les locataires du bâtiment B ou bien du F. Un code différent de celui du bâtiment C, bien sûr. Trop facile. Et voilà que devant elle, la porte donnant sur le parking nécessite une clé. Une clé privée qu'elle n'a pas non plus, ma fille adorée. Et elle est donc coincée au fond du ravin. Et on ignore où il se trouve, ce putain de ravin. Bon, je vais éplucher les pommes de terre et ça la fera venir. Un truc qui marche, hein, tu sais. Et si on épluche des pommes d'amour, tu crois que ça le fait revenir, l'amour ? Vivi. Pourquoi cette amertume, cette façon que tu as de toujours... Mais... Attends, c'est vrai qu'il y a un bruit étrange de l'autre côté du mur ? Ah ! Tu l'entends toi aussi ? Un bruit qui devient pénible. Je vais sonner chez le voisin, c'est la porte de gauche. Jamais il n'ouvrira. Je l'ai croisé hier, le voisin, un ours. Il m'a lancé le regard d'un véritable ours. Et si... Et si quoi ? Et si c'était Louise qui grattait, là, de l'autre côté du mur ? Arrête ton délire, Vivi. Arrête tout ça. Louise a très bien pu confondre les portes. Elle a peut-être frappé à celle-là par erreur, et l'ours l'a embarqué, puis tripoté avec ses grosses pattes, puis bâillonné et collé dans son débarras au milieu des bassines et des balais-brosses. Tu crois ? Écoute. Le bruit faiblit. C'est qu'elle perd des forces, notre chérie. Cela devait être un refuge isolé ici, du beau, loin de tout, avec une situation en hauteur qui nous comblerait. C'est comme ça qu'il m'avait vendu la chose. Hier, l'espace d'un instant sur le balcon, j'y ai cru. Alors que c'était juste un piège. Crevasse glacée, trou, cauchemar. Je l'avais bien dit que je n'allais pas pouvoir. Je t'avais prévenu. Ouvrir les cartons trop tôt et aussi violemment que tu l'as fait hier, ça ne pouvait que provoquer de terribles mauvaises ondes. Tiens, j'ai retrouvé ton piolet. Et le mien aussi. Allez, viens Heidi, on attaque. Vraiment? C'est chalet des années 70 et c'est du carton pâte. On n'en a pas pour longtemps, crois-moi ma chérie. C'était Haut et Bas, Dan Terral. Avec Sophie Bouillou, Geoffroy Lidvan, Albertine Villain-Guimara, bruitage Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistrement effectué les 4 et 5 septembre 2015 à Paris et au Kremlin-Bicêtre. Thank you.